Bosco, d'où Imane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les dissidents du CNL tiennent une réunion à Gitega. Le président de ce parti se résigne tout en accusant l'autorité en charge de la gestion des formations politiques. Le ministre de l'Intérieur s'en lave les mains. Il n'a jamais autorisé la tenue de cette rencontre, rétorque Martin Iteretse. Les vendeurs ambulants au centre-ville de Bujumbura ont obtempéré à l'interdiction de ne plus occuper les alentours de l'ancien marché central, mais à contre-cœur, vous l'entendrez. Un psychopédagogue et enseignant du supérieur suggère au gouvernement du Burundi d'injecter des fonds dans des restaurants universitaires à défaut d'assurer la restauration des étudiants qui éprouvent aujourd'hui des difficultés avec leur maigre pré-bourse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti CNL déplore la tenue d'une réunion à Gitega dimanche dernier des dissidents de ce parti. Une réunion que le président du parti qualifie d'illégale. Dans un point de presse animé ce vendredi, Agathon Rwasa a indiqué que le parti s'étonne de voir le ministre de l'Intérieur autoriser la tenue de cette réunion alors qu'il avait été informé à l'avance. Le président du CNL estime que le ministre de l'Intérieur devrait plutôt lever les sanctions prises à l'encontre de ce parti et arrêter d'appliquer la politique de deux poids, deux mesures. Suivez-le. Nous avons informé le ministre de l'Intérieur la veille de la tenue de la réunion parce qu'on avait eu vent effectivement de la probable tenue de cette réunion. Et là, il ne peut pas contester parce qu'on lui a transmis des messages écrits. Le lendemain matin, dimanche, donc, on a continué à le mettre à jour par rapport à l'évolution de la situation. Et nous avons vu que donc, son silence était plutôt une complicité à peine avouée parce que lors de cette tenue, de cette réunion à Gitega, on a vu même les forces de l'ordre venir encadrer ces gens-là. Raison pour laquelle nous affirmons haut et fort que sa complicité est vraiment avérée. Et même ces dissidents l'ont dit à ceux qui voulaient entendre qu'ils avaient l'autorisation du ministre en question. Alors qu'est-ce que nous avons fait par après? Nous avons jugé plutôt de faire cette communication. Parce que dès lors qu'on l'avait averti à temps et qu'il a plutôt témoigné d'une inertie sans commune mesure, nous jugeons que porter cette situation à la portée de tout le monde peut-être pourra contribuer à ce que l'un et l'autre se ressaisissent et agissent conformément au droit et non à la l'arbitraire. Contacté par la rédaction pour recueillir sa réaction sur ces allégations du parti CNL, le ministre en charge de la gestion des partis politiques, Martin Iteretse, a déclaré hors antenne qu'il n'a pas donné d'autorisation de la tenue de cette réunion par les dissidents de cette formation politique. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les étudiants de l'Université du Burundi suite à l'insuffisance du pré-bourse. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que cela entraîne un manque de concentration dans les études. Ils demandent à l'État de tout faire pour résoudre ce problème en rouvrant les restaurants universitaires. Suivez ce micro-baladeur d'Oda Daishimi. En analysant la situation, il est difficile de comprendre comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins. C'est incompréhensible en regardant les prix au marché. J'espère qu'ils ont d'autres moyens de survie, sinon c'est une situation qui fait vraiment mal. Comme les coûts ont déjà monté, au moment où un revendeur des aliments décide d'aller au marché pour acheter quelque chose et qu'il trouve que le coût est très cher, il doit aussi diminuer la quantité journalière ou bien la quantité de chaque part pour qu'il puisse lui aussi recevoir un intérêt sur ce qu'il vend. Le coût de la nourriture a augmenté. 60 000 francs burundais ne sont pas suffisants pour couvrir leur alimentation. À cause de cela, ils sont obligés de chercher de petits boulots dans des cabarets ou dans des compagnies de gardiennage, ce qui entraîne des résultats médiocres. L'État a mis en place la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Il sera difficile d'atteindre cette vision si les étudiants de l'université du Burundi sont en train de vivre dans ces mauvaises conditions. L'État devrait essayer de voir comment résoudre ce problème. Ce que l'État doit faire pour que l'étudiant puisse vivre normalement, il peut augmenter le prêt boursier qu'il a fixé. C'est-à-dire, s'il décide de fixer le budget de l'État, il doit penser aussi aux étudiants en fixant au moins la somme qui sera capable de nourrir chaque étudiant. Normalement, on se refera sur le prix du marché, comme le prix des aliments ont monté. Ma demande s'adresse à l'État. Si les lauréats de l'Université du Burundi ont un niveau excellent, cela constitue une fierté pour le pays et toute l'Afrique. Il serait donc mieux que l'État rétablisse le système de restauration universitaire. En réaction à cette situation, un psychopédagogue et enseignant à l'école normale supérieure dit que la suppression de la restauration pour les étudiants à l'Université du Burundi a pour conséquence la réduction des résultats ainsi que la dégradation de la qualité de l'enseignement. Et pour trouver une solution à ce problème, Pierre Claver-Kanabazé suggère au gouvernement d'injecter des fonds dans des restaurants où des étudiants pourraient se ravitailler, comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont pris une mesure similaire. Suivez Pierre Claver-Kanabazé. Au micro de Jean-Marie Vianney-Gendakoumane. Ce n'est pas la première fois que cette mesure soit prise. Je pourrais donner l'exemple des étudiants qui fréquentent l'école normale supérieure qui, depuis 25 ans, n'ont jamais bénéficié de la restauration. Pourtant, ils continuent à étudier, malgré quelques difficultés qu'on rencontre. Même à l'université, je ne pense pas que ce soit tous les étudiants qui soient restaurés. C'était une partie. Sinon, la mesure, vraiment, date de longtemps. Même le petit nombre qui bénéficiait de la restauration maintenant, je pense qu'on a suspendu. Mais sinon, la mesure date de longtemps. Et quel impact de cette mesure sur les conditions de vie des étudiants? Je ne suis pas le mieux indiqué pour répondre à cette question. Il faut poser la question aux étudiants. Mais je pense que la mesure en soi n'a pas d'effet direct sur la qualité des enseignements d'apprentissage, mais c'est plutôt les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Pour qu'un étudiant se présente à l'auditoire, certaines conditions doivent être réunies, notamment avoir mangé. Et par ailleurs, des études ont confirmé que les apprenants qui mangent 3 fois par jour réussissent mieux par rapport aux autres. Et puis, quelle est l'incidence de cette mesure sur la qualité des enseignements? Ce n'est pas la mesure qui a des effets sur la qualité de l'enseignement. Seulement, on peut dire que c'est surtout les moyens actuels. Est-ce que la pré-bourse qu'ils bénéficient, est-ce qu'est-elle suffisante pour joindre les deux bouts du mois? C'est la question. Nous voyons que nos étudiants sont vraiment dans des conditions un peu dures, parce que même la pré-bourse qu'on leur donne n'est pas suffisante. C'est pourquoi je suggère au gouvernement d'instaurer les restaurants universitaires, mais des restaurants payants. C'est-à-dire que le gouvernement devait subventionner le prix des denrées alimentaires et chaque étudiant devrait faire la restauration, mais après avoir payé. Mais très récemment, le ministère de l'Éducation, dans ses attributions, a réduit les prêts pour les étudiants qui devraient fréquenter l'université cette année. Est-ce que cette situation serait à l'origine de cette mesure? Non, je ne pense pas. Le fait qu'on a en fait revu les points à la baisse, c'est que les effectifs attendus n'étaient pas suffisants. Docteur Pierre Claver-Kanabazé, il est psychopédagogue et enseignant à l'école normale supérieure. Éducation toujours, cette fois-ci à l'enseignement fondamental. Les enseignants bénévoles du poste fondamental de la commune Wossoni ont arrêté le travail depuis 5 jours. Ils réclament leurs frais d'encouragement non perçus depuis la rentrée scolaire, alors que le travail touche presque à sa fin. L'administrateur de la commune Wossoni déclare que le conseil communal de l'éducation s'est déjà saisi de la question et que d'ici peu, ils seront rétablis dans leurs droits. Il les interpelle donc à reprendre le service. Agnès Naomagadze. Le directeur communal de l'éducation à Wossoni, Gordien Sirabahenda, admet aussi que la commune a 33 bénévoles au poste fondamental et que tous n'ont pas encore reçu leurs frais d'encouragement depuis la rentrée scolaire. Cela a fait que ces enseignants bénévoles de la commune Wossoni arrêtent le service car ils ont tous commencé à donner les cours depuis la rentrée scolaire le 19 septembre, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les frais d'encouragement, comme certains parmi ces bénévoles l'indiquent. Ils demandent d'être rétabli dans leur droit car le trimestre touche presque à sa fin et qu'il y a 5 jours qu'ils ont arrêté les cours parce qu'ils ne peuvent pas se présenter devant les élèves en portant des habits non propres. Ils ajoutent aussi qu'ils n'ont pas de contrat avec leur employeur communal. À côté de cela, ils disent également qu'en cas de recrutement ou remplacement sur ces écoles où ils font le bénévolat, ils sont ignorés alors que ce sont eux qui pourraient être considérés en priorité. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits, sinon ils ne donneront pas les examens avant de recevoir ces frais d'encouragement. L'administrateur de la commune Roussoni, Albert Manirambona, admet aussi qu'ils n'ont pas encore payé les bénévoles, mais il leur interpelle de reprendre le service et de continuer les revendications en étant au service, car le conseil communal de l'éducation a déjà pris en main cette question et que d'ici peu de jours, la question sera résolue. En ce qui concerne les remplacements et les recrutements, il indique que pour le cas de recrutement, ils doivent faire un examen et il y a une note réservée à ceux qui ont fait le bénévolat. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La décision du maire de la ville de Bujumbura intime à l'ordre aux vendeurs ambulants de ne plus occuper les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura a été respectée, mais à contre-cœur, d'après ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro. Ils demandent au maire de la ville d'envisager d'autres alternatives en leur faveur pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Un reportage de Sheila Irambona. Cette femme est parmi les vendeurs qui ont été intimés de vider les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, une décision qui a été prise par le maire de la ville de Bujumbura dans une correspondance de ce 22 novembre. Là où nous avons trouvé ces vendeurs aux alentours de l'ancien marché central, ils étaient assis à même le sol sans leurs marchandises, scotchés par la nouvelle. Interrogés, ces derniers nous ont indiqué que cette nouvelle les a pris de court. On ne sait pas comment nous allons vivre, car avec 5000 francs, on arrivait à se débrouiller et on trouvait comment nos enfants mangent. On nous dit de trouver une place dans les marchés, mais cela demande un capital. Comment cela peut être possible alors que tu as un capital de 5000 francs? On travaille de telle sorte qu'on puisse rentrer avec quelque chose pour que nos enfants puissent manger. Je ne sais pas si on va retourner à l'intérieur du pays à pied ou quoi. C'est vraiment pas possible. Cet endroit aide beaucoup d'orphelins et de veuves. Nous arrivons à envoyer nos enfants à l'école grâce à l'argent que nous gagnons ici. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura de trouver une solution à ce problème. Selon eux, leur famille risque d'en pâtir. On a eu des pertes ici. Nous avons été dans des coopératives et nous y avons contracté des dettes. Par exemple, il arrive qu'on demande 100 000 francs et que nous achetons des marchandises que la police finit par embarquer. Mais cela ne nous empêche pas de revenir. Est-ce que tu peux revenir à un endroit où tu sais que tu ne peux rien y tirer? Que l'État parvienne, que l'État prenne une décision qui nous facilite la tâche. Qu'ils essaient de prendre une décision qui nous facilite la tâche. Selon la correspondance du maire de la ville de Bujumbura, cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires et de propreté hors micro. Certains habitants de la capitale ont demandé aux responsables d'aider ces vendeurs à trouver une solution durable à ce problème, car ce n'est pas la première fois que ces gens sont semés de vider les lieux et qu'ils reviennent encore une fois. Sheila Irambona. Il est nécessaire de mettre en place une loi sur la gestion des crises et catastrophes. L'expert en environnement et changement climatique, le professeur Saouchi Mike Jean-Marie, trouve qu'il devrait y avoir une commission mixte chargée de mener une étude afin de mettre fin aux problèmes liés à la récurrence des inondations en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Pour lui, la construction d'une digue reste nécessaire. On assiste à une population de Gatumba en pleine détresse à cause de ces inondations récurrentes. Depuis un certain nombre d'années, déjà depuis 2016, on ne cesse de parler de Gatumba, une zone victime effectivement des impacts des changements climatiques. Parmi les solutions qui étaient envisagées, il y avait effectivement l'endiguement de cette rivière. Et quand on parle de digue, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ouvrage qui devrait être extrêmement onéreux. très coûteux. Mais c'est un ouvrage qui nécessite la participation de plusieurs disciplines, je dirais, complémentaires. La multidisciplinarité est incontournable pour réaliser une telle étude. Faire déménager les personnes qui sont plus exposées que d'autres. Et là, il faut être sur le terrain pour dire, voilà, cette partie doit être déménagée dans le court terme. C'est la seule façon de sauver certaines vies, parce qu'ils sont exposés à des maladies. Il y a une lacune juridique. S'il y avait des contraintes juridiques, ces personnes devraient respecter ces lois. Aujourd'hui, l'absence de cette loi, ça bloque les autorités lorsqu'ils doivent prendre des mesures. Il existe un texte, un règlement d'accompagnement de cette loi, c'est-à-dire le plan de prévention des risques qui doit être intégré dans l'aménagement de Gatumba. Le professeur Jean-Marie Sabouchimike, expert en environnement et changement climatique. Un homme du quartier Rouya en ville d'Ongozi est depuis ce jeudi sous interrogatoire à la police judiciaire. Il est accusé d'avoir torturé son ancien employé qui venait réclamer son argent. Sur son lit d'hôpital où il a été admis, ce dernier affirme avoir été secouru par un enfant qui se rendait à l'école alors que son ancien patron l'avait enterré vivant dans un fossé. L'administrateur communal et les défenseurs des droits de l'homme, Ngozi, demandent à la justice de statuer sur ce cas conformément à la loi et de sanctionner son présumé auteur si sa culpabilité est prouvée. Apollinaire Mozakara. Cette victime indique qu'elle allait demander auprès de son employeur de rouiller 30 000 francs qui lui devaient arriver à la maison. Son patron a ordonné à tous ceux qui étaient là de le tabasser sérieusement à coups de masse, tombé en syncope. Cet homme a été acheminé vers la vallée d'Ovziegua pour être jeté, selon lui, dans un fossé où il a été enterré à moitié suite à une pluie abondante de ce moment. Un élève qui se rendait à l'école et qui avait vu la scène a crié au secours, toujours selon cette victime. Il a été par après déterré, puis conduit au centre de santé. Des traces de torture s'observent sur tout son corps. Il a de la peine à uriner, des fois coule même du sang. Un de ses testicules a été touché. Informé de cela, l'administrateur de la commune, Ngozi, l'a vite conduit à son centre et son présumé torsionné à la police judiciaire. Jean-Naya Bagabo de la VDP, une association de défense des droits de la personne humaine à Ngozi, demande à la justice de faire son travail afin de sanctionner le torsionnaire et demande même la protection physique de son patient. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et pour terminer ce journal, les infirmiers et sages-femmes sont appelés à coopérer avec leurs collègues des pays de l'Afrique orientale, centrale et australe. Egide Biglindavi, vice-président de leur association, estime que cette collaboration permettrait à ces infirmiers et sages-femmes d'acquérir d'autres connaissances dans ce domaine et de réduire le nombre d'infirmiers qui partent, car ils seront au même niveau que ceux des pays de cette région de l'Afrique. Il l'a dit ce jeudi lors d'une conférence de presse après échange d'expériences. Premièrement, nous allons gagner une porte ouverte pour l'élévation des niveaux de formation pour les infirmiers et sages-femmes en restant sur leur lieu de travail. Deuxièmement, on va gagner réellement ce qu'on appelle les standards des soins dont on a besoin toujours quand on voit réellement la population burundaise qui quitte le Burundi pour aller se faire soigner en Occident. Ils cherchent ces standards de soins. Et quand on essaie de s'associer avec l'Hexacone, on va arriver à faire les soins standardisés. Et les infirmiers et sages-femmes de notre pays sera à un niveau international. Autre chose que nous allons gagner, nous pouvons dire sincèrement qu'au Burundi, en ce qui est des soins infirmiers, nous sommes à la phase embryonnaire en ce qui concerne la recherche. On va gagner réellement ce qu'on appelle une banque de données sur la recherche infirmière et nos infirmiers vont publier via réellement la plateforme de l'Hexacone sans devoir payer beaucoup d'argent qui est demandé pour la publication. Autre chose, nous allons bénéficier de ce qui est des soins de qualité parce que l'Hexacone aussi a un pilier de ce qui est de la clinique. ce qui est très important pour la communauté infirmière et sage-femme du Burundi. Autre chose qui est très important, c'est que réellement nos infirmiers et sages-femmes vont participer dans des grandes conférences de renommée. À ce moment-là, ils bénéficieront des échanges d'expériences. Égide Bigirindavi, vice-président de l'Association des infirmiers et sages-femmes Hexacone en sigle. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Peace out.